إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on commence maintenant une nouvelle série de cours pour le mois de Ramadan. Le titre de la lecture qu'on fait aujourd'hui, c'est tiré d'une conférence qui a été donnée par le cheikh Mohammed ibn Hadi, et cette conférence s'intitule Ramadan ou Shahrul Ijtihad wa Ta'at. Ramadan, Shahrul Ijtihad wa Ta'at, c'est-à-dire que le Ramadan, c'est le mois de l'effort et de l'obéissance, des diverses formes d'obéissance qu'on offre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est une conférence qui a été donnée par le Cheikh en 1432 dans le mois de Sha'ban, le 29 du mois de Sha'ban, dans la ville de Médine, Al-Madina al-Nabawiyya, dans Masjid Zun-Nurayn, Masjid Zun-Nurayn, Othman radiyallahu anhu. Donc le Cheikh, il commence en disant الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من نعم الله جل وعلا علينا وعليكم تمتيعه لنا وإياكم جميعا بنعمة الصحة والعافية وإمهاله لنا في الأجل وإطالة العمر فنتقلب في ذلك وندرك مواسم الطاعات وأوقات الخيرات وإنا لنسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب كما مد في أعمارنا إلى هذه الليلة أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يصومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه وممن يقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه وممن يوفق لليلة القدر ويقومها إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله العظيم ذلك. Donc le cheikh, il commence en disant que après avoir dit que la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles, sur ses compagnons et ceux qui le suivent de la meilleure manière jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il dit parmi les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites, c'est qu'il nous donne de ses grâces. Et parmi ces grâces, il y a le fait qu'il nous donne la santé, hein, et qu'il nous pardonne et qu'il nous épargne et qu'il nous donne une prolongation dans notre délai et dans notre vie, hein, et on vit dans cette prolongation et dans tout ce que Allah nous donne de ces différentes grâces qui nous permettent d'atteindre et d'arriver à des périodes de l'année où il y a des actes d'adoration qui sont faits et des moments de l'année qui sont remplis de bien pour nous. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de vivre justement jusqu'à cette période, c'est-à-dire le mois du Ramadan, puisqu'il nous a fait vivre jusqu'à cette nuit, et bien qu'il nous fasse vivre jusqu'au mois du Ramadan. Bon, alhamdoulilah, nous on a atteint le mois de Ramadan. Hein, cette année, on est en plein dedans, dans le début du mois du Ramadan. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de continuer, comme le Cheikh il dit, hein, de faire qu'on soit parmi ceux qui jeûnent ce mois avec foi et avec yani ihtisab. Et ça veut dire quoi? Imanan wa ihtisaban. Souvent, on l'entend. Ça veut, imanan, ça veut dire que tu crois hein, en l'obligation de ce mois et que ça fait partie des piliers de l'islam, que ça fait partie des obligations que Allah nous a ordonné de respecter. Et ihtisaban, ça veut dire que quand tu le fais, tu le fais en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tahtasib al-ajr. Donc tu le fais en espérant avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette parmi ceux qui le jeûnent de cette façon, avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on soit parmi ceux à qui vont être pardonnés tous les péchés qu'ils ont faits précédemment. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, comme c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui se lèvent la nuit et qui prient la nuit, c'est-à-dire qui font le tarawih, avec foi et avec l'espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils seront pardonnés pour tout ce qu'ils ont fait comme péché dans le passé. Et on demande également à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui vont être qui vont prier pendant la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr, avec foi et avec espoir en Allah dans sa récompense, pour qu'on soit parmi ceux à qui il va pardonner les péchés précédents. Donc on demande cela à Allah subhanahu wa ta'ala par son nom le plus grand, celui que s'il est demandé par ce nom-là, il répond et il exauce la personne qui lui demande. Ensuite le Cheikh il dit: ayyuha al-ikhwa al-kiram, innahu sayahullu alayna ba'da sa'ati hadhihi al-layla wa illa fal-layla al-qabila fa-hadha al-shahr al-azim shahr ramadan alladhi huwa afdal al-shuhur أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن على رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الشهر العظيم ليس هو شهر تفاخر في الأكل والشرب ولا هو شهر تسابق في إعداد الموائد والتوسع فيها، بل هو شهر يتسابق فيه المتسابقون في طاعة الله عز وجل، ويتنافس فيه المتنافسون في مراضي ربنا جل وعلا، ويشمر إلى أنواع الطاعات فيه عباد الله العارفون بما يجب عليهم، وذلك أولا بأداء الفرائض فيه. فالمحافظة على الفرائض هذا هو أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويتقرب المؤمن فيه إلى ربه جل وعلا بأداء الفرائض والواجبات ونبذ الكسل والتهاون والتقصير الذي قد يطرأ عليه في غير رمضان، فيحافظ على الصلوات جميعا جماعة إلا من عذره الله كمريض ودنف أو مسن أقعده العجز ونحوهم ممن عذرهم الله جل وعلا. ثم يبادر أيضا إلى الذهن التوصية بهذا الشهر، ألا وهو الحفاظ على الصوم. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on vient juste de lire maintenant, des paroles du Cheikh حفظه الله. Il dit: oh mes frères, donc le mois, et dans quelques heures ou peut-être dans une nuit, ce mois béni va venir vers nous, le mois du Ramadan. Et c'est le meilleur des mois. C'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un grand mois, un mois très important, et c'est pas un mois dans lequel on fait de la vantardise et on se vante les uns les autres de la nourriture qu'on mange ou de la nourriture qu'on prépare, et qu'on fait des compétitions dans la préparation des différentes tables et des différents repas, des différents mets qu'on fait, et qu'on exagère dans ce genre de choses-là. Non, le Cheikh il dit que c'est un mois de compétition dans les bonnes œuvres, dans l'obéissance d'Allah. Hein? Un mois dans lequel les gens doivent se compétitionner les uns les autres dans le bien et dans l'agrément d'Allah. Et donc, on doit se précipiter vers les actes d'obéissance. Les actes d'obéissance. Et ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, hein, eh bien, ils commencent par faire ce qui est obligatoire pour eux, en établissant les obligations, comme le fait de préserver les actes obligatoires que Allah nous a ordonné de faire. Parce qu'il n'y a pas une chose qui est plus aimée d'Allah que de faire ce qu'il nous a ordonné, hein, et de commencer par ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans un hadith qudsi qui est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui est plus aimé de moi que ce que je lui ai ordonné de faire. Donc le croyant, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en commençant par faire les choses qui sont parmi les fara'id et les wajibat. Et c'est pas logique que quelqu'un se précipite à faire des choses qui sont surérogatoires et recommandées alors qu'il délaisse ce qui est obligatoire, hein, comme par exemple quelqu'un qui prie salat tarawih à la mosquée et quand vient l'heure de salat al-fajr, il dort, par exemple. Hein, ça, c'est des exemples qui nous montrent que il y a un problème. Donc celui qui veut vraiment être sérieux dans son ramadan, il commence par ce qui est obligatoire en premier, hein, et il fait par la suite ce qui est recommandé. Et il ne mélange pas les choses. Il donne la priorité à ce qui est prioritaire. Donc les obligations en premier, ça c'est le plus important. Puis ensuite, les autres choses qui sont recommandées. Et en faisant ça, eh bien, il fait en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, hein, par la suite. Donc le cheikh, il dit que la personne doit essayer de repousser la paresse et la négligence et les manquements qu'il a durant l'année, et en particulier durant le ramadan. Donc il essaie de préserver toutes ses prières en jama'a, de les faire en groupe, et excepté ceux qui ont une excuse. Yarhamukallah. Donc comme par exemple la personne qui est malade, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas sortir, ou la personne qui yani, est proche de la mort, hein, la personne qui est proche de la mort, ou bien la personne qui est très âgée, elle est vieille, elle ne peut pas bouger, donc cette personne-là, elle est excusée. Mais sinon, les autres doivent, hein, faire des efforts pour aller à la mosquée pour faire la salat. Ensuite, le cheikh, il dit, puis ensuite, tu dois te précipiter vers également l'autre chose qui vient à l'esprit, c'est de préserver le jeûne du ramadan. Parce que le jeûne, c'est obligatoire de le préserver. Le cheikh, il dit, يجب أن يحافظ عليه فيصوم المرء عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا هو الصيام الحسي. فهناك صيام آخر ألا وهو الصيام المعنوي فيصوم عما حرم الله تعالى عليه من سماع محرم ونظر إلى محرم ويحفظ صومه من الغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك فقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم في من لم يدع قول الزور والعمل به والإثم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو الصيام الكامل, الصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات, ويصوم أيضا عما ينقص صومه من هذه الأمور. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أيضا كما ذكر ذلك عنهم أبو المتوكل رحمه الله أنهم إذا صاموا قعدوا في المسجد قالوا نحفظ صومنا لأن المساجد لها حرمة فبحرمة المساجد يحفظ الصوم. Donc le cheikh explique, il dit que la personne, en plus de préserver yani, ses prières, elle préserve son jeûne, et c'est-à-dire qu'elle s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels yani, durant la journée. et elle s'abstient de toutes les autres choses qui peuvent annuler son jeûne du Ramadan. À partir de l'aube, la deuxième aube, jusqu'au lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, donc pendant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il s'abstient de manger, de boire et de faire ses actes qui annulent son jeûne. Ça, c'est le jeûne réel, le jeûne concret, celui qu'on connaît. Mais il y a un autre jeûne aussi. C'est un jeûne abstrait. Et ce jeûne-là, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de ce que Allah nous a interdit. Donc, par exemple, d'écouter des choses haram ou de regarder, voir des choses haram avec les yeux, de faire, par exemple, de la médisance, de parler dans le dos des gens, de faire des faux témoignages, de dire des mauvaises paroles, des paroles obscènes, ou avoir des mauvais langages, ou des choses comme ça, d'être impoli, et des choses de ce genre. Yani, c'est pas quelque chose que si tu le fais, ça annule ton jeûne, dans le sens que c'est pas comme quand tu manges ou quand tu bois, mais sauf que ça annule ton jeûne également dans le sens que ça, yani, le diminue dans sa perfection, et ça le diminue dans sa récompense aussi, et ça fait en sorte que ça diminue de la récompense et du bien qui vient de ton jeûne. Ton jeûne, il n'est pas complet quand tu fais des choses comme ça. Et le cheikh, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné ça dans un hadith, dans lequel il a dit, celui qui n'a pas délaissé la parole mensongère et le fait d'agir selon qu'est-ce qui est faux, de même que le péché, alors Allah n'a aucun besoin qu'il cesse de manger ou de boire. En voulant dire que son jeûne, il n'est pas complet si il ne s'abstient pas des péchés et des mauvaises paroles et des mauvaises actions et des mauvaises choses. Donc ce n'est pas seulement la nourriture et le breuvage ou les choses que tu bois ou les rapports avec nos épouses et des choses de ce genre, mais également de tout ce qui est haram en général. Et le cheikh également, il commence à parler d'un autre point et il dit que il a été rapporté, selon Abu Huraira et d'autres également parmi les Sahaba, selon, il y en a également Abu Mutawakkil, il l'a rapporté aussi, rahimahullah, il a dit que lorsqu'ils jeûnaient à l'époque, ils aimaient rester assis dans la mosquée. Ils aimaient rester assis dans la mosquée durant la journée. Et le cheikh explique que ils faisaient ça dans le but de préserver leur jeûne. Parce que la mosquée, c'est un endroit qui a son respect et qui est sacré. Et donc, le fait de rester dans cet endroit-là, eh bien, ça fait en sorte qu'on arrive à préserver notre jeûne des choses qui sont mauvaises et des choses qui sont interdites. Le cheikh, il explique ça en donnant plus d'exemples. Et il dit, نعم وذلك ذلك لأن هذه المساجد لا يصلح فيها إلا قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا وتعليم العلم وتعلمه بعد أداء الصلوات المفروضة فإذا كانت هذه وظيفة المساجد التي بنيت لأجلها فإن المسلم إذا قعد فيها يستشعر ذلك فلا يغتاب ولا يشتم ولا يقول زورا مراعة لحرمة المسجد فلأجل هذا يلزمون المساجد لأجل هذا ترون الإقبال من الناس كثيرا في هذا الشهر على المساجد وتفرغهم من كثير من الشواغل وهم ولله الحمد الخير باق في هذه الأمة ولكنك في غير رمضان لا ترى منهم الكثرة والكثرة تظهر في رمضان بسبب تفرغ كثير من الناس عن أحوال الدنيا ويتهيئون لرمضان لينقطعوا فيه للعبادة فيهيئوا أسباب المعايش فيجمعون ذلك ليتفرغوا للعبادة فتراهم يكثرون في موسم رمضان بخلاف غيره. Donc le cheikh explique que les mosquées, donc, elles ne sont pas là pour autre chose que pour le fait de réciter le Coran, de faire le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est parmi les choses pour lesquelles les mosquées sont établies. et pour également enseigner la science, c'est-à-dire enseigner la science de l'islam, et de l'enseigner et de l'apprendre, et d'établir les salawat. Donc après qu'on établisse les salawat, il y a les cours, il y a l'enseignement qui est donné pour expliquer aux gens la religion d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh il dit donc, si ça c'est le rôle des mosquées, et c'est pour ça qu'elles ont été construites, donc le musulman, une fois qu'il s'est assis dans les mosquées, eh bien il ne pense pas à parler dans le dos des gens, à insulter les gens, à dire des paroles fausses, des faux témoignages, parce qu'il respecte la mosquée. Et c'est pour ça que tu vois que les gens se dirigent vers les mosquées durant le Ramadan plus que le reste de l'année. Hein? Dans le reste de Ramadan, dans le reste de l'année, tu ne vois pas autant de gens venir à la mosquée parce que les gens sont occupés avec d'autres choses. Mais dans le Ramadan, ils se libèrent. Ils se libèrent de leurs occupations par la grâce d'Allah et ils se concentrent sur yani, le bien et les bonnes choses, et ils viennent à la mosquée plus que dans le restant de l'année. Et ils se libèrent des occupations qu'ils ont, des choses de la dunya, pour se préparer pour le Ramadan. Et il y en a des gens, même parmi les gens, comme le cheikh il mentionne, qui demandent leur congé de travail dans le mois de Ramadan pour être capables de se concentrer sur l'adoration durant le mois du Ramadan, yani, pour être capables de vraiment profiter du temps et du bien pendant ce mois-là. Donc ils font leurs vacances durant cette période-là pour se libérer des autres occupations. Donc c'est pour ça une des raisons qu'on trouve que dans le mois de Ramadan il y a plus de monde dans la mosquée que dans le restant de l'année. Après le cheikh il dit يتفرغون في طلب الرزق بخلاف غير رمضان فإنه يتفرغون في طلب الرزق هنا وهناك فتقل الأعداد في عموم المساجد. Donc en dehors du Ramadan, les gens se concentrent dans le travail, des choses pour chercher le risque, et donc il y a moins de monde dans le reste de l'année dans la majorité des mosquées. فالحاصل لزوم المساجد مما يذكر بحق الله تبارك وتعالى في هذا الباب فيعلم الإنسان أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء مما يعني ذكر غير الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم النافع فيسلمون و يعني يسلم لهم صومهم يسلم لهم صومهم يعني فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستشعر هذا الأمر ويحفظ صومه ويحافظ عليه. Donc le cheikh il dit qu'une des choses qui nous aide à préserver le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous comme le jeûne et de faire en sorte qu'il soit correct, c'est de rester dans les mosquées. Et donc le fait de rester dans les mosquées, c'est quelque chose qui nous aide parce que dans la mosquée il n'y a rien d'autre que l'adoration d'Allah. Et la salat, la lecture du Coran, la science, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui fait que ton jeûne va être préservé. Donc, ça, c'est pour dire, comme le cheikh l'explique, qu'on doit faire des efforts pour essayer de rester le plus souvent dans la mosquée durant le mois de Ramadan, et surtout dans la journée. Et je rajouterai par rapport à ce que le cheikh il dit ici, en particulier pour nous, qui vivons dans des pays comme ici, comme par exemple en Amérique du Nord, ou bien en Europe, des pays non musulmans, ou des pays musulmans, mais dans les grandes villes où des gens, on retrouve dans ces grandes villes parfois beaucoup de péchés. Donc de rester dans la mosquée, ça préserve de beaucoup de péchés, puisque malheureusement on retrouve des tentations à l'extérieur qui sont répandu et partout autour de nous, et donc ça demande beaucoup d'efforts pour s'abstenir de voir ces choses-là ou de les subir. Donc le fait de rester à la mosquée, ça préserve notre jeûne dans des situations comme ça. Donc c'est mieux de rester dans la mosquée. Ensuite le cheikh il dit wa ma'shar al-ikhwa inna bab as-siyam bab 'azim تذهب به الأخلاق وتروض به النفوس وتطيب الأخلاق وتطيب الأخلاق وذلك لقرب القلوب من ربها تبارك وتعالى وتروض النفوس وذلك لقربها من ربها تبارك وتعالى. فتجد القول الحسن والقول الجميل والقول الصالح والقول الطيب هو الذي يظهر على ألسن الناس هذا وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب أو يفسق فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم فالصيام وإن كان سرا إلا أنه يشرع هنا أن يخبر حتى يقطع الطريق على إبليس فيقطع الطريق على الناس الذين ربما استفزوه أو أرادوا استفزازه بأنه جبان لا يستطيع أخذ حقه فيشرع له النبي صلى الله يعني شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بعبادته هنا أن الذي يمنعه هو خوفه من الله تبارك وتعالى وأنه عابد لله في هذه الأوقات ويحب أن يؤدي العبادة على أكمل وجه والسب والشتم والفسوق والسخب والرفث وقول الزور هذا مما يجرح صومه ومما وذلك لأن الصوم جنة ويتقى بها عند الله يوم القيامة فالعاقل يحافظ على الجنة التي يتقي بها فلا يخرقها ويمزقها ولا يكسرها بل يحافظ عليها لينتفع بها في الدفع عن نفسه فهكذا الصيام جنة فالمسلم يحافظ على هذه الجنة فاحرصوا وفقني الله وإياكم على تذكر ذلك إذا بلغنا وإياكم هذا الشهر ونسأل الله أن يبلغنا إياكم وإياكم فلنحرص على هذا. Donc le cheikh il explique que le jeûne également c'est un sujet très vaste, très grand, très important et c'est quelque chose qui nous aide à corriger notre comportement, notre akhlaq et à dompter nos âmes et à améliorer nos comportements. Et la raison pourquoi, c'est parce que lorsqu'on fait le ramadan, nos cœurs sont plus près d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nos âmes sont plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de, justement, du jeûne qu'on fait. Et donc on trouve que dans le ramadan, on dit des paroles qui sont bonnes, on dit des belles paroles, des paroles pieuses, des paroles de vertu. Tout ça, on entend dans la bouche des gens du bien. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et incité à faire lorsqu'il dit par exemple que lorsque l'un d'entre vous jeûne, alors qu'il ne dise pas des paroles, des paroles vulgaires ou grossières, et qu'il ne fasse pas des péchés, qu'il ne se mette pas en colère, et qu'il n'insulte pas les gens. Parce que si quelqu'un le provoque, ou le pousse à s'énerver, il doit dire à cette personne je jeûne. Si quelqu'un te pousse, te provoque ou essaie de t'énerver, eh bien tu dois lui dire inni sa'im, c'est-à-dire moi je jeûne. Et le cheikh explique qu'il y a un secret là-dedans, c'est que le fait que le jeûne soit quelque chose de caché, en général on peut pas le voir. Mais lorsque quelqu'un est en train de jeûner, que ce soit le ramadan ou autre, en dehors du ramadan aussi, eh bien, si quelqu'un vient pour t'énerver, tu lui dis je jeûne, pour couper le chemin au diable qui essaie de faire en sorte que tu perdes ton jeûne, ou que tu brises ton jeûne par des mauvaises paroles ou des mauvaises actions. Donc quand tu lui dis je jeûne, c'est comme si tu lui dis que tu es en train de faire une adoration et que c'est pas parce que t'as peur de lui ou c'est pas parce que t'as peur de défendre ta personne ou de reprendre ton droit ou ton bien, mais c'est plutôt par crainte d'Allah que tu t'abstiens de t'énerver et de lui répondre et non pas parce que tu as peur de lui. hein, ou des choses de ce genre. Au contraire, tu es capable de prendre ton droit et tu es capable de lui répondre, ou tu es capable de le remettre à sa place, sauf que parce que tu es en train de jeûner, tu t'abstiens de répondre. Donc ça, c'est des exemples que le cheikh nous mentionne. Et donc, dans ce cas-là, on a le droit d'informer la personne de notre adoration dans le but, hein, de lui faire savoir que ce qui nous arrête et ce qui nous empêche, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la personne est en train d'adorer Allah durant ce moment-là et il veut parfaire cette adoration-là, la faire de la façon la plus parfaite possible. Et le fait de faire des insultes ou de maudire les gens ou d'insulter les gens ou de dire des paroles mauvaises, ça risque de diminuer la valeur de son jeûne, hein, ou de même que mentir ou de tout autre genre de mauvaises paroles, ça risque de faire du tort à son jeûne, et donc il s'abstient de faire ça. Et le cheikh explique que le jeûne, c'est un bouclier par lequel la personne, elle se préserve au jour de la résurrection du châtiment d'Allah. Donc la personne qui est raisonnable et qui réfléchit, eh bien, elle va faire en sorte qu'elle préserve son bouclier. Elle ne va pas faire en sorte que son bouclier ait des trous dedans, ou que son bouclier soit cassé, hein, puis qu'il ne soit pas bien protégé du châtiment d'Allah. Donc, qu'est-ce qui vient briser ce bouclier-là? C'est les mauvaises paroles, les mauvaises actions, les péchés que tu fais durant ton jeûne. Donc, garde ton bouclier solide en t'éloignant de ce genre de choses-là et en préservant ton jeûne. Et faites des efforts pour cela. Donc le cheikh, il mentionne, parce qu'il avait fait cette conférence avant le ramadan, donc il dit que Allah nous fasse parvenir au ramadan, hein, et qu'il nous permette d'atteindre ce jeûne ou ce mois. Le cheikh il dit: والأمر الثاني الذي أوصي به نفسي وأبنائي وإخواني الحرص على قراءة القرآن فإن قراءة القرآن إذا لم تكن في هذا الشهر فمتى تكون شهر هذا الشهر الذي قال الله جل وعلا فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال جل وعلا مبينا هذه الليلة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دلت هذه الآيات على أن هذا الشهر هو شهر القرآن فينبغي الاجتهاد فيه في قراءة القرآن وختمه مرة بعد مرة وتدبره وتفهمه وذلك إذا كان القارئ يشكل عليه بعض الآيات قرأ معها ما يرفع عنه الإشكال فيفهمها ويعلم معناها على الوجه الصحيح من أحسن ما أوصي به أن يقرأ في هذا تفسير ابن كثير ومختصره أيضا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ورحم الله الجميع فإن عمدة التفسير عمدة وجيدة جدا وهي أحسن اختصار أعلمه لتفسير ابن كثير على الإطلاق لا أعلم أفضل منه فكيف فيما بين أيدينا وانتهى إلى علمنا من المختصرات يعني لا أعلم أفضل منه فيما بين أيدينا وانتهى إلى علمنا من المختصرات وقد كثرت في الآونة الأخيرة فأحسنها هذه الاختصار فطلب معاني ما يشكل عليك فاطلب معاني ما يشكل عليك وإن كنت كثير من القرآن يغيب عنك معناه فاجعل لك وقتا آخر غير وقت القراءة فاجعل لك وقتا آخر غير وقت القراءة يعني علم على الآيات التي تشكل عليك فاطلبها في وقت آخر اقرأ في التفسير في وقت آخر المهم أن تقرأ القرآن في هذا الشهر فإن لك بكل حرف تقرأه حسنة والحسنة بعشر أمثالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف حرف ولكن أقول ألف لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف نعم donc le cheikh il explique la deuxième chose qu'il veut clarifier c'est une chose qu'il dit je vous enjoins et je vous incite et je vous encourage à moi-même ainsi qu'à mes fils et à mes frères c'est de faire des efforts dans la lecture du Coran parce que la lecture du Coran si tu ne le fais pas dans le mois du Ramadan quand est-ce que tu vas le faire ce mois c'est le mois au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran le mois du Ramadan dans lequel Allah a fait descendre le Coran dans lequel il y a une guidance pour les hommes et une des preuves de la guidance et, de la, et du discernement et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie et dans un autre verset dans lequel il dit hein, nous l'avons fait descendre dans la nuit de la destinée Laylatul Qadr et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée la nuit de la destinée est meilleure que mille mois hein, et les anges et ainsi que l'esprit descend en celle-ci avec tout commandement elle est paix jusqu'à la levée de l'aube jusqu'à la levée de l'aube donc ces versets indiquent que ce mois c'est le mois du Coran et donc le musulman il doit faire des efforts dans ce mois et réciter le Coran et au moins le terminer une fois hein? Et sinon plus qu'une fois s'il est capable hein? L'important c'est qu'il le lise et qu'il réfléchisse sur sa signification et qu'il essaie le plus possible de le comprendre et le cheikh il dit que si tu lis le Coran et qu'il y a des versets que tu trouves compliqués à comprendre qu'est-ce que tu fais tu peux regarder dans le tafsir regarder dans l'explication du Coran pour avoir la clarification de cette chose ou de ce verset qui te cause de la difficulté et il dit que parmi les meilleurs résumés ou les meilleurs tafsirs à notre époque qu'il trouve pour qu'il conseille aux gens c'est le tafsir de l'imam Ibn Kathir et le tafsir de l'imam Ibn Kathir il est célèbre, il est connu il n'y a pas une librairie islamique excepté qu'ils vendent ce tafsir là et parmi les résumés de ce tafsir il dit que le meilleur c'est le résumé de Ahmed Shakir qui s'intitule Umdatul Tafsir donc Umdatul Tafsir c'est le résumé du tafsir de l'imam Ibn Kathir et pourquoi c'est bénéfique le résumé c'est parce que quelqu'un par exemple qui veut profiter de qu'est-ce qui est dans tafsir Ibn Kathir sans toutes les répétitions ou bien les asanid les hadiths qui sont mentionnés parce qu'il ne connaît pas ces choses-là donc il peut aller directement avec le muhtasar, le résumé et ça lui simplifie beaucoup la lecture du tafsir il peut profiter de ce tafsir là donc c'est un tafsir très bénéfique le tafsir Ibn Kathir et le résumé de ce tafsir par l'imam Ahmed Shakir le cheikh Ahmed Shakir son résumé qui s'appelle Umdatul Tafsir donc le cheikh il dit selon ce que je sais c'est le meilleur le meilleur muhtasar, le meilleur résumé, il n'y en a pas de meilleur que lui selon ce qu'on a entre nos mains et selon ce qu'on a comme connaissance. Donc c'est le meilleur et donc vous pouvez rechercher les significations des versets qui vous donnent des difficultés dans la compréhension. Le cheikh il dit par contre, si les versets du Coran que tu as de la difficulté à comprendre sont trop nombreux, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup trop. À chaque fois que tu commences à lire un verset, tu t'arrêtes pour regarder le tafsir, eh bien, ça te coupe dans ta récitation, ça te coupe dans ta lecture. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh, dans ce cas-là? Il dit, dans ce cas-là, tu fais une petite marque, hein, ou un signe à l'endroit où tu as de la difficulté à comprendre et tu reviens plus tard pour le vérifier dans le tafsir. Hein? Donc tu fais juste mettre une petite note ou une petite marque pour dire ici j'ai pas compris comme il faut, donc tu continues à réciter. Hein? Le cheikh dit tu continues à réciter dans ce cas-là, puis après, plus tard, hein, tu pourras retourner au tafsir et vérifier les versets que tu voulais vérifier. L'important c'est que tu récites le Coran durant ce mois de Ramadan et que tu saches qu'il y a dans ça une grande récompense et que pour chaque lettre que tu lis, eh bien, chaque lettre vaut une hasana, hein, une récompense, une bonne action. Et que chaque bonne action, elle vaut 10 fois sa valeur. Donc, elle est multipliée par 10. Et le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne vous dis pas que Alif Lam Mim, c'est une lettre. Plutôt, je vous dis que Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, et Mim, c'est une lettre. Donc, quand tu dis Alif, Lam, Mim seulement, ça fait 3 lettres, et chaque lettre vaut une hasana qui est multipliée par 10. Donc, déjà, ça vaut plus. Yani, ça vaut plus que 30 hasana, et ça peut même être multiplié plus que ça. Yani, comme on le sait dans le hadith qui mentionne que elle peut être multipliée jusqu'à 700 fois et jusqu'à plus de fois que ça encore. Après, le cheikh dit وَمِثْلُ الَّذِي وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا حُلْوٌ أَمَّا الطَّعْمُ فَهُوَ فِي الْقَلْبِ وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْإِيمَانِ الَّذِي اسْتَقَرَّ فِي الْقُلُوبِ وَأَمَّا الرِّيحُ فهو سمعة الإيمان والأعمال الصالحة عن هذا العبد فينتشر بين الناس أن فلان رجل فاضل رجل صالح عامل رجل عابد عالم رجل زاهد رجل ورع رجل قارئ للقرآن ونحو ذلك فالصيت هذا الذي ينتشر بين الناس بمثابة رائحة الأترجة فأنت إذا دخلت سوق الفاكهة وكان في موسم الأترج والعامة يسمونه أترنج اليوم بزيادة النون تجد الرائحة تعصف في المنطقة التي تباع فيها هذه الفاكهة فالمؤمن طاب خبره ومظهره فالمؤمن الذي يقرأ القرآن طاب مخبره ومظهره طاب ظاهرا وباطنا فباطنه بالإيمان بالله وتوحيده والإيمان به والإخلاص له سبحانه وعدم الإشراك به وظاهره بالأعمال الصالحة والسيرة الحسنة بين الناس وبين عباد الله جل وعلا والحرص على إيصال الخير إليهم والنفع لهم وكف الأذى عنهم ومساعدتهم بكل وجه من وجوه المساعدة وإيصال الخير إليهم بكل وجه يستطيع إيصاله به إليهم فهذا هو المؤمن. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'exemple du croyant qui lit le Coran c'est l'exemple de al-utrujja. Et al-utrujja, c'est un fruit comme c'est un fruit comme parmi la famille des agrumes. Parmi la famille des agrumes, c'est-à-dire les oranges, les citrons, les fruits de cette catégorie-là, hein, les pamplemousses, ça a cette texture et cette apparence-là et cette odeur aussi. Donc le cheikh, il dit que il mentionne ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'exemple du croyant qui récite le Coran, eh bien, il est comme ce fruit. Son odeur, elle est bonne et son goût est sucré. Donc, le cheikh explique que le goût, ça c'est la foi qui est dans le cœur. Hein, à cause de la foi qui s'est installée et qui s'est établie dans le cœur. Et en ce qui concerne l'odeur, eh bien, c'est la réputation de la foi de cette personne à cause de ses bonnes œuvres, hein, et ça se propage parmi les gens. Donc les gens connaissent la réputation de cette personne par la suite, que c'est un homme qui a du mérite, qui est pieux, qui a de la science, qui est adorateur, qui adore Allah, qui s'écarte de la dunya, des choses de ce genre, et qui récite le Coran, et ainsi de suite. Donc la réputation, c'est l'odeur qui se propage comme le fruit de l'autruj, hein, comme le fruit de l'orange ou du citron. Et il dit que si tu rentres dans le marché à la période des oranges, ou à la période de ces fruits de l'autruj, comme le citron ou autre, eh bien tu vois que cette odeur, elle remplit l'endroit où on vend ces fruits-là. Et donc, il est bon dans son apparence, le fruit, et il est bon également dans son odeur. Hein? Il est bon dans son apparence, dans son odeur. Et donc, le croyant qui récite le Coran, il est comme ça. Il est bon intérieurement et extérieurement. Il est bon intérieurement par sa foi en Allah, par l'unicité d'Allah, par le tawhid et la sincérité et la pureté d'intention qu'il a pour Allah seul, et le fait qu'il ne commette pas de shirk. Ça, c'est des exemples de du bien qu'il a en lui-même. Et en apparence, dans ses actions, dans son bon comportement, dans sa bonne attitude, comment il agit avec les gens, avec les serviteurs d'Allah, et le fait qu'il fait des efforts pour faire en sorte que le bien soit transmis à tout le monde autour de lui et que tout le monde puisse profiter, et qu'il s'abstient de faire du tort aux autres, hein, qu'il les aide de toutes les manières qu'il est capable de les aider pour leur faire parvenir un bien quelconque. Donc tout ça, c'est des exemples que le croyant doit essayer de faire, hein, durant le Ramadan et en dehors du Ramadan aussi. Ensuite le cheikh dit wa shahid قراءة القرآن في هذا الشهر مطلوبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن كل سنة مرة كل رمضان مرة يعني حتى يعني في كل رمضان مرة حتى كان العام الذي توفي فيه فدرسه مع جبريل عليهما الصلاة والسلام مرتين ومن هنا أخذ طائفة من أهل العلم مشروعية تكرار الختم تقرأ وتقرأ فتختم أو فخط يعني فختمه في العام الذي توفي فختمه في العام الذي توفي فيه مرتين ومن يدرينا أن نعيش بعد هذا الرمضان إلى آخر بل ما يدرينا أن نكمل رمضان في هذا يعني في هذا العام إذا بدأناه وما يدرينا أن نمسي إذا أصبحنا أو نصبح إذا أمسينا فالعاقل يغتنم هذه الساعات لنفسه عليه حق وهو أن يسعى في فكاكها وعتقها من النار ورمضان شهر العتق من النيران شهر المغفرة وشهر الإعانة من الله جل وعلا لعباده وذلك بتيسير سبل الخير لهم وحجز عدوهم عنهم إذ تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون فيه أو ما يخلصون إليه في غير رمضان من بني آدم الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم وبسبب الصوم يضيق عليه في هذه المجاري فتصفد هذه الشياطين. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que la lecture du Coran dans ce mois-là, c'est quelque chose qui est exigé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il complétait la lecture du Coran au complet une fois pendant le Ramadan, et l'année dans laquelle il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a étudié deux fois, il a complété deux fois la lecture du Coran au complet pendant le Ramadan. Et de là, certains savants ont mentionné qu'il est légiféré de répéter la complétion, ou le fait de compléter la lecture du Coran pendant le Ramadan, de le finir plus qu'une fois. puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a complété deux fois dans l'année dans laquelle il est décédé. Et le cheikh, il dit, et qui te dit que tu vas vivre au prochain, jusqu'au prochain ramadan? Et qui te dit que tu vas même pouvoir compléter cette année, ce ramadan-là? Peut-être que tu vas mourir pendant le ramadan. Le cheikh, il dit, peut-être que même quand tu arrives au soir, qui te dit que tu vas te lever le matin? Et quand tu arrives le matin, tu te lèves le matin, qui te dit que tu vas arriver jusqu'au soir et que tu vas vivre jusqu'au soir? Donc la personne qui est raisonnable et qui réfléchit, elle profite de ces occasions et de ce temps-là pour elle-même, hein? Et ça, c'est un droit de son âme sur lui, qu'elle fasse des efforts pour la sauver de l'enfer, parce que le mois du Ramadan, c'est le mois de l'émancipation de l'enfer, ou de se sauver c'est le mois dans lequel les âmes sont sauvées de l'enfer. C'est le mois du pardon, le mois dans lequel Allah nous aide et aide ses serviteurs et leur facilite les chemins et les voies vers le bien et met des obstacles et bloque les ennemis, hein, des croyants, comme les diables par exemple. Durant le mois du Ramadan, les diables sont enchaînés, hein? Les diables sont enchaînés, donc ils ne peuvent pas arriver à faire tout ce qu'ils font pour égarer les hommes en dehors du mois du Ramadan. Donc il faut en profiter du moment que on nous a facilité les adorations et on a enchaîné nos ennemis pour que justement on ne soit pas détourné de qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc le cheikh il dit faya ibadallah ou faya abdallah سهل لك الطريقان حجز عنك عدوك الذي يقطع عليك السير وفي الوقت نفسه سهل لك المسير في الطريق الذي نريد أن تسير فيه أو تريد أن تسير فيه فطرق الطاعات وأبوابها مشرعة مفتوحة طرقها سابلة وأبوابها مفتوحة وعدوك قد تكفل به عنك وقد حجز عنك فلا يمنعك من السير إلى الله شيء فلذلك النفس تخف في رمضان في الطاعات فالله معشر الإخوة والأبناء فإن هذا الشهر هو شهر المسابقة في الطاعات والحذر من الكسل وإذهاب النهار في النوم والليل في السهر. فرمضان ليس هكذا. Donc le cheikh il répète, il dit que donc il y a deux choses que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite aux serviteurs d'Allah. Il te ferme, il te retient ton ennemi qui te bloque ton chemin, et il te donne du temps, il te facilite il te donne le temps, donc du fait que tes ennemis sont enchaînés, et ça te donne du temps et ça te facilite l'avancement sur le chemin que tu veux suivre, yani le chemin de l'adoration et des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que les portes, donc les portes du bien, les portes des obéissances d'Allah sont ouvertes et le chemin il est ouvert pour toi, et ton ennemi on s'en est chargé pour toi et on l'a bloqué, yani pour qu'il ne puisse pas t'empêcher de continuer sur le chemin, hein, d'Allah, et qu'il, yani pour qu'il ne t'empêche pas de faire quelque chose de bien que Allah t'ordonne, ou ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que l'âme, dans le Ramadan, l'âme elle est légère. Durant le Ramadan, ton âme elle est légère. Et donc, il dit, oh mes frères, oh mes fils, eh bien, profitez de ce mois du Ramadan, c'est un mois de course, de compétition dans les actes d'obéissance. Et faites attention à la paresse et à faire aller. Salam alaykoum wa rahmatullah. Faites attention de ne pas laisser sortir ou de ne pas laisser partir le temps dans la nuit, dans le jour, vous dormez, et dans la nuit, hein, vous passez la nuit à veiller, mais en autre chose que l'adoration. Parce que dans le Ramadan, ça c'est un malheur qu'est-ce qu'on constate dans le Ramadan, c'est ça. Le jour, il y a beaucoup de gens qui dorment, Et la nuit, les gens qui passent la nuit à veiller, à faire autre chose que de l'adoration. Et ça c'est surtout, on constate ça dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans en particulier, parce que là-bas c'est tout le monde qui jeûne en même temps. On le voit plus. Les magasins, des fois, ils ouvrent qu'après la prière de Maghreb et après l'Isha. Les gens, il y en a qui passent leur soirée dans les magasins ou à gaspiller du temps au lieu d'aller prier. Et il y en a d'autres qui dorment toute la journée par la suite. Ils dorment la journée, puis ils se réveillent juste au Maghreb. Il y en a qui ne prient même pas le Dhuhr et l'Asr. Ils dorment. Et ils se réveillent au Maghreb et là, ils mangent. Donc ça, le cheikh dit, c'est pas correct. Il dit, الآن مصيبة عظيمة يغلب على كثير من المسلمين أنهم يسهرون الليل والنهار الذي لا عمل عنده ينام هذا خطأ. الليل وقت الراحة خذ منه ما كتب لك وخذ منه ما يجب أن تقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى والنهار كذلك عليك أن تقوم فيه بصنوف الطاعات بقراءة القرآن وأداء الصلوات ومراجعة التفسير فيما يخفى عليك من فهم كتاب الله تبارك وتعالى والعلم فشهر رمضان أيضا شهر علم وشهر تعليم وشهر جهاد فكثير من الفتوحات والمواقع الفاصلة وجهاد عباد الله المؤمنين كان في هذا الشهر فبدر الكبرى كانت في هذا الشهر جهاد وقتال قتال في سبيل الله في الحر تراق الدماء وتشهر السيوف في سبيل الله تبارك وتعالى عام الفتح كان هذا الشهر في رمضان في شهر رمضان صد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم فتح ذلك مكة في هذا الشهر أقام فيها 19 ليلة وفي 6 من شوال انطلق إلى هوازن فكان هذا في رمضان وهكذا كثير من معارك المسلمين الفاصلة بينهم وبين عدوهم كانت في هذا الشهر وكانت النصرة فيها لعباد الله المؤمنين الدالة لهم على عدوهم وذلك لقربهم من الله تبارك وتعالى وانصرافهم عن الدنيا ورغبتهم في الآخرة فيما عند الله جل وعلا واقرأوا والتاريخ شاهد ولله الحمد وكل ذلك مسطر فيه. الشيخ explique également que donc comme on a dit c'est un malheur que on retrouve maintenant les gens ils passent la nuit debout et ils dorment le jour, et ça c'est une erreur. Il dit que tu dois prendre une partie de la nuit pour te reposer et une partie pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le jour tu dois faire différentes formes d'adoration pendant la journée, comme la lecture du Coran, de faire les prières, de réviser les livres de tafsir, ce que tu comprends pas du tafsir et du livre d'Allah. Tu regardes dans les explications. Donc le mois du Ramadan c'est un mois également de science. Shahru ilm, c'est un mois de science et c'est un mois également de lutte et de jihad, parce que une grande partie des conquêtes des musulmans, les grandes batailles qui ont tranché entre la vérité et le faux, entre les croyants et les non croyants, ça a été des batailles qui ont eu lieu pendant ce mois, comme la bataille de Badr, la première bataille qui a tranché entre les croyants et les non-croyants, ça s'est produit durant le mois de Badr. Et le cheikh dit donc que c'est le mois de Ramadan, c'est un mois de lutte, c'est un mois de combat dans le sentier d'Allah, dans la chaleur, alors que le sang coule. Et les épées sont levées dans le sentier d'Allah. Donc ça c'est, par exemple, l'année de la conquête de la Mecque. C'était pendant le Ramadan. Et le cheikh il dit que auparavant on avait empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entrée à la Mecque, puis quand il est revenu à la fin, quand il a fait la conquête de la Mecque, c'était dans le mois de Ramadan. Non, donc il dit ensuite quelques nuits après, ils sont partis vers Hawazin dans le mois de Shawwal pour combattre la tribu de Hawazin. Donc ça c'est un autre exemple qui montre que tout ça, ça se passait dans le Ramadan. Et il y a eu des grandes batailles tranchantes entre les musulmans et leurs ennemis durant ce mois-là. Donc c'est un mois de combat et de lutte, et c'est un mois de victoire dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux croyants dans ce mois-là, et c'est une des indications qui montre que les serviteurs d'Allah dans ce mois-là sont plus près d'Allah que dans le reste de l'année, du fait qu'ils se détournent de la dunya et qu'ils se précipitent et qu'ils vont vers l'au-delà, hein, et vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Et lisez l'histoire et vous allez voir un témoin de tout ce qu'on vient de dire dans ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, et il dit c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ça a été écrit. Et tout ça était mentionné dans les livres. Le cheikh il dit wal maqsoud huna min huna anna shahr ramadan laysa huwa shahr al kasal fi al nahar kama yafhamuhu ba'd al nas yanamu ila al maghrib wa lil asaf hada wa lillahi al hamd yani wa in lam yakun fikum walakinna nahtaj ila al tafkir ilayh li'annahu yakunu fi buyutina يترك الأولاد ممن تجب عليهم الصلوات لا يساقون إلى المساجد يتركون الليل يسهرون والنهار ينامون نومة واحدة الظهر والعصر يذهب عليهم وهم نيام وهذا غلط وهذا منكر عظيم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Donc le cheikh il dit que donc c'est ça. On laisse pas passer le qu'est-ce qu'on veut dire de tout ça, c'est qu'on laisse pas passer le Ramadan comme si c'était un mois de paresse. Hein, on dort le jour comme certains le comprennent. Il dit ça c'est pas correct. Il dort jusqu'au Maghrib. Hein, il dit ça c'est pas correct. Donc les gens ont besoin d'être rappelés de ces choses-là. Hein, il dit parce que des fois dans nos maisons, on laisse les enfants pour qui la prière est obligatoire, on les laisse dormir pendant la journée, hein, et ils dorment yani jusqu'au Maghrib. Ils prient pas, ils se lèvent pas pour prier le Dhuhr ou l'Asr. Ils se lèvent seulement jusqu'au Maghrib. Et donc, on était supposé de les amener à la mosquée pour prier et on les laisse. Et la nuit, on les laisse veiller toute la nuit, et donc ça, c'est pas correct. Et il mentionne les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Oh vous qui avez cru, sauvez-vous-même et vos familles de l'enfer. Sauvez-vous-même et vos familles de l'enfer dont le combustible est les hommes et les pierres. » Donc, on a une responsabilité envers notre famille, envers nos proches, ceux qui sont dans notre maison, de faire en sorte qu'ils respectent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, c'est-à-dire ordonne à ta famille de faire la salat et sois يعني, endurant dans celle-ci. وَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَبِرْ بِزِيَادَةِ الطَّاءِ فَإِنَّ الزِّيَادَ فِي الْمَبْنَى تَدُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الْمَعْنَى وذلك لأنه يحتاج فيها إلى مجاهدة مع الأهل ويحتاج معهم إلى مجاهدة النساء في البيوت في رمضان خاصة يتساهلن ويؤخرن الظهر إلى قبيل العصر ويؤخرن العصر إلى وسط العصر ووقت العصر تصفر الشمس وهن في المطابخ كأن هذا الأكل الذي يطبخنه جميعا سنأكله في نصف نهار أو في نصف ساعة. يعني الشيخ يقول كأن هذا الأكل الذي يطبخنه جميعا سنأكله في نصف ساعة. هذا غلط. الواجب على العبد أن يقوم أيضا على أهله بتذكيرهم بالصلوات، وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. لا بد من التذكير بهذا لأنفسنا حتى نتذكره ونقوم به مع أهلنا وأولادنا في بيوتنا. Donc le cheikh il dit, regardez la, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement wastabir alayha. Allah il rajoute le ta, hein? Il dit pas wasbir alayha, il dit wastabir alayha. Donc c'est comme si pour dire, quand on rajoute une lettre dans un mot, ça rajoute une signification à ce mot là et ça veut dire qu'on doit rajouter de l'effort dans la patience. Hein, non seulement faire preuve de patience, mais faire preuve d'effort dans la patience, c'est-à-dire d'endurance. Et on en a besoin avec nos familles, hein, de lutter contre nous-mêmes et contre nos familles aussi, puisqu'il dit parfois nos femmes dans les maisons, en particulier les femmes, dans le mois de Ramadan, elles font la prière de Dhuhr très tard. Juste un petit peu avant l'Asr. Et elle retarde l'Asr jusqu'au milieu du Asr. Hein, ou lorsque le soleil commence à devenir jaune. Et elles sont dans la cuisine en train de préparer la nourriture. Et nous, on va manger cette nourriture. Comme si elle allait fait toute cette nourriture comme si on allait la manger dans une demi-heure. Le cheikh dit ça, c'est une erreur. Donc il faut inciter les femmes et les rappeler de l'importance des prières et ainsi de suite. Et il mentionne les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il ordonnait à sa famille de faire la salat et il était agréé de son Seigneur. Donc il donne à sa famille l'ordre de garder la prière. Il a sa famille, c'est-à-dire ses femmes et ses enfants. Donc il faut rappeler ça à nous-mêmes. Il faut se rappeler de ça pour nous-mêmes, ainsi que ceux qui sont sous notre responsabilité, c'est-à-dire nos enfants, nos épouses, dans les demeures, dans les maisons. Le point numéro 3, le cheikh il dit أُحِبُّ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ الَّتِي أُحِبُّ أَنْ أُذَكِّرْ وَأُنَبِّهْ عَلَيْهَا مَسْأَلَةُ الرَّحْمَةِ. وهذا الشهر مش معشر الإخوة والأبناء شهر الرحمة، الرحمة بعباد الله من جميع النواحي، فالرحمة بالفقير والمسكين والإنفاق والعطاء والبذل. وكلمة الذي فرغ الكلام يقول كلمة لم أفهمها، خير الخير على المحاويج. فإن المرء إذا صام تذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالشبع وهو يمتنع عن الطعام الآن طواعية لله تبارك وتعالى، فكيف بمن امتنع عن الأكل لا لشيء إلا لعدم وجوده بين يديه وتوفره لديه، فيتذكر المسلم أخاه المسلم المحتاج فيرحمه ويجود عليه بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، وسبق درهم 100,000 درهم لا تستقل شيء، وذلك لأن صاحب 100,000 درهم ينفقها ولا تؤثر، لا يؤثر في ماله الكثير، وصاحب الدرهم ينفق درهم من 10 فتؤثر ما تبقى إلا 9 فيجد في نفسه حاجة إليه، فصاحب الدرهم الواحد سبق صاحب 100,000 درهم فلا تقل من المعروف شيئا أيها المسلم. En fait, le cheikh il dit troisième chose, j'aimerais vous rappeler une chose que j'aimerais mentionner, c'est la question de la miséricorde. La miséricorde dans ce mois, ô mes frères. Et ô mes frères et mes fils, il dit c'est le Ramadan, c'est le mois de la miséricorde envers les serviteurs d'Allah sur tous les plans. La miséricorde envers le pauvre, envers la personne qui est dans le besoin, Donc on lui donne, hein, et on dépense de notre argent dans le bien pour ceux qui ont des besoins, qui sont dans la nécessité, qui n'ont pas ce qu'il leur faut. Donc lorsque quelqu'un jeûne, il se rappelle de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, du fait que lui il sait remplir son ventre et satisfaire sa faim. Tandis que le pauvre, donc le musulman qui a de la nourriture le reste de l'année, il s'abstient de manger durant le mois de Ramadan volontairement pour Allah. Et il connaît un peu de donc la faim et de qu'est-ce que ressent le pauvre. Donc que penser maintenant ou que dire par la suite de celui qui s'abstient de manger? Il s'abstient de manger par rapport au Ramadan ou parce qu'il jeûne, mais qui s'abstient de manger le restant de l'année parce qu'il n'a pas rien à manger. Donc le musulman, il se rappelle de son frère qui a un besoin et il lui fait miséricorde et il lui fait preuve de générosité parce que Allah lui a donné. Et le cheikh il dit wa sabaqa dirham mi'at alf dirham, c'est-à-dire que celui qui a un dirham, il a dépassé celui qui a 100 000. Pourquoi? Parce que celui qui a donné, qui a peu, il donne ce qu'il a, ça a plus de valeur, qu'est-ce qu'il a donné, par rapport à qu'est-ce qu'il a, que celui qui avait 100 000 dirhams et qui en a donné un peu. Donc, si par exemple, une personne elle est riche, elle donne un peu d'argent, et l'autre il est pauvre, il donne de l'argent en charité, et bien celui qui est pauvre, sa sadaqa elle a plus de valeur que celui qui est riche et qui donne. Pourquoi? Parce que ce qui lui reste, c'est moins que celui qui a beaucoup. Donc, il ne faut pas regarder la valeur d'une sadaqa uniquement par la valeur de qu'est-ce qu'elle est en elle-même, mais de qu'est-ce qu'elle est par rapport à qu'est-ce que la personne possède. Donc, si on va dire que tu as 10 dollars dans ta poche, tu donnes 1 dollar à quelqu'un, il te reste juste 9. Mais celui qui a 100 dollars dans sa poche, il donne 1 dollar à quelqu'un, il lui reste encore 99 dollars. Donc, la sadaqa du pauvre, elle vaut plus pour Allah que la sadaqa du riche. C'est ça que ça veut dire. Donc, il ne faut pas dénigrer la sadaqa de quelqu'un. On dit, ah, regarde, lui, il a donné juste 1 dollar. Ça vaut pas grand-chose. Non, c'est pas comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala va calculer la récompense au jour de la résurrection. Donc il ne faut pas dénigrer rien de qu'est-ce que tu fais de bien. Il ne faut pas regarder ce que tu fais comme c'est peu, comme si peut-être quelqu'un il est pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent. Il va dire, mais moi ça ne sert à rien que je donne en sadaqa parce que je suis pauvre. Et si je donne, ça ne va rien faire. Non, pense pas de cette façon-là, parce que toi tu le donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui s'occupe de la récompense par la suite. Et l'action c'est par l'intention aussi. Donc le cheikh il dit ensuite fal ihsan ila an-nas wa irsal al-khair ilayhim wa ar-rahmah bihim matloub. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa. والرحمة تكون أيضا بالكلمة الطيبة وبالابتسامة وبالمواساة وبالمسح على رأس الصغير واليتيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلكم الأعرابي فرآه يمسح على رأس الحسن والحسين فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك قال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي فالمسح على رؤوس الأطفال ومداعبتهم وملاعبتهم والتبسم في وجوههم هذا من الرحمة بهم والإحسان إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقد خشي أصحابه عليه حينما سجد بهم ذات مرة فأجاد السجود لا لشيء إلا أن حفيده ارتحله يعني ركب فوق ظهره فقال إن ابني هذا ارتحلني وإني خشيت أن أعاجله فأطال حتى نزل من على ظهره ثم قام صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que il faut faire du bien aux gens et le fait de faire preuve de bonté envers les gens yani c'est de leur faire parvenir du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les miséricordes, les gens qui ont la miséricorde, Allah leur fera la miséricorde. Les gens qui ont la miséricorde, qui sont rahimoun, Allah va, yani ar-Rahman, le tout miséricordieux, leur fera miséricorde. Et il a dit faites miséricorde aux habitants de la terre et les habitants du ciel, ou celui qui est dans le ciel plutôt, celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Et dans ce hadith, il y a en même temps la preuve du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus de sa création. Et il dit ensuite que la miséricorde, ça peut être par une parole, une bonne parole que tu dis à quelqu'un, un sourire. Ça peut être par yani, la considération que tu donnes à quelqu'un. Ça peut être même de frotter la tête des enfants. Quand tu passes à côté des enfants, tu leur frottes la tête. Ou bien l'orphelin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et un jour, un bédouin a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer sa main sur la tête de Al-Hassan ou Al-Hussein. Et il a dit, moi j'ai 10 enfants et je ne les ai jamais embrassés, même pas une seule fois. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a personne à qui on enlève la miséricorde excepté quelqu'un de malheureux. Hein? Excepté de quelqu'un qui est malheureux. Donc, la miséricorde dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il le place dans le cœur des serviteurs. Et c'est quelque chose de bien. Et parmi les signes de ça, de cette miséricorde, c'est le fait de y montrer de la douceur et de la gentillesse envers les enfants, de jouer avec eux, de sourire avec eux, de jouer avec eux, hein, de passer la main sur leur tête. Et ainsi de suite. Ça, ça fait partie de la miséricorde et du bien. C'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Soyez miséricordieux envers les gens sur terre et celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. » Et on voit même l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois lorsqu'il faisait la salat avec ses compagnons et les sahaba ont eu peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a fait le sujoud et il est resté très longtemps dans le sujoud. Il est resté très longtemps prosterné. Alors les gens ont vu que la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté longtemps prosterné, c'était parce que un de ses petits-enfants était monté sur son dos. Et il avait peur qu'en se relevant, il allait le brusquer ou le bousculer et qu'il allait tomber et se faire mal. Hein? Donc il est resté prosterné jusqu'à ce qu'il descende de son dos, puis par la suite il s'est relevé sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des exemples de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants. Et le cheikh il dit wa ash-shahid anna ar-rahma 'amma rahmatun bil baha'im wa bit tuyur kulliha ja'at fi dinina هذا الدين العظيم كما جاء ذلك في السنن في مسند الإمام أحمد في قصة القبرة أي نعم القبرة والحمرة التي أخذ فراخها وبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم وكانوا غزاة فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب وعاد إلى أصحابه وجلس بينهم وأخذت تفرش على رؤوسهم بجناحيها فقال من فجع هذه بصغائرها ردوا عليها صغائرها والأحاديث في هذا كثيرة والمقام لا يتسع لذكرها والشاهد أن هذا الدين دين الرحمة وهكذا الرحمة بإخوانك في الكلام معهم وطيب الكلام إليهم والرفق بهم والرفق في تنبيه الغافل حتى يتعلم ويتنبه إن جاهل شيئا أو أخطأ بسبب غفلته وهكذا الصبر على الجاهل حتى يتعلم إذا رأيته أخطأ بسبب جهله فإذا رحمته بالإحسان إليه بحسن التوجيه في الكلمة والعبارة فإنه يقبل منك وإذا أغلظت نفر عنك وقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا بثلاثة أشياء. Donc on va lire qu'est-ce que le cheikh, on va traduire qu'est-ce que le cheikh a dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Il dit que le cheikh, il donne un exemple que la miséricorde, quand on dit la miséricorde dans l'islam, c'est pas yani juste les exemples qu'on a donnés, mais même la miséricorde envers les animaux, envers les oiseaux, hein, tout ça, ça a été mentionné dans notre religion. Et ça a été rapporté comme c'est rapporté dans les Sunan par l'imam Ahmad. Dans la musnad de l'imam Ahmed, l'histoire qu'il y avait des animaux et certains des sahaba avaient pris les petits de ces oiseaux, yani, un oiseau, et les sahaba avaient pris ces petits, okay, lorsqu'ils étaient en voyage, en expédition. Et donc, yani, l'oiseau allait et revenait, yani, quand, comme si il venait autour des sahaba et il est venu, l'oiseau est venu là où ses petits étaient et les a couverts avec ses ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, remettez les petits à leur mère, yani, en voulant dire, yani, de les remettre. Et ça, c'est un exemple de la miséricorde dans l'islam. Il dit, il y a beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Et il dit également que cette religion-là, c'est la religion de la miséricorde. Et c'est la miséricorde envers tes frères. Quand tu leur parles avec miséricorde, avec des bonnes paroles, avec de la douceur. Et il dit que quand tu vas mentionner quelque chose à quelqu'un qui a fait une action par insouciance, tu lui rappelles avec douceur, avec gentillesse. S'il fait une erreur par ignorance, tu fais preuve de patience avec lui. Tu apprends à cette personne-là avec patience si elle fait une faute, hein, si elle a fait une faute par erreur. Donc ça fait partie de la miséricorde. Et tu lui donnes des conseils avec des paroles de sagesse. Tu vas pas lui parler avec de la dureté, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, hein, et par la grâce d'Allah, par la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Mais si tu étais rude et dur de cœur, ils se seraient tous éloignés de toi. Donc, soit, fais preuve d'indulgence envers eux et demande pardon à Allah pour eux et consulte-les dans l'affaire. Et si tu es déterminé, alors mets ta confiance en Allah, et Allah aime ceux qui mettent sa confiance en lui. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné, par rapport à ça, trois choses. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite et l'explication de ces choses-là dans la prochaine rencontre, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. Donc, pour aujourd'hui, ça, c'est les points qu'on a voulu ou qu'on a eu le temps d'expliquer, Inch'Allah. Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala rende ça bénéfique pour nous et qu'on puisse en profiter et qu'on puisse l'appliquer et qu'il nous aide dans ce mois de Ramadan à en profiter de la meilleure manière et à lire le Coran et prier la nuit comme yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le faire pour qu'on puisse profiter de ce ramadan le plus possible, hein, et pour qu'on soit, pour qu'on se réjouisse de tout ce qu'on a pu obtenir comme bienfait par rapport à ce jeûne et ce mois au jour de la résurrection. Donc subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.